vite. Tiens, c'est ma liste pour Noël. Oula, c'est une longue liste ça. Oui bah, j'ai vraiment eu du mal à me décider hein. Mais attends, je sais pas si je vais réussir. Oh mais t'en fais pas, il y a tout aux Galeries Lafayette. En plus, du 9 au 19 décembre, il y a moins 25% sur toute la beauté, dont les coffrets. Oh, eh bah tiens, tu pourras en prendre un pour maman. Hors point rouge, avec le programme de fidélité Mes Galeries gratuit et sans engagement, voir conditions en magasin et sur galerielafayette.com. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Il y a quelques jours, alors que je m'apprêtais à fourrer mon sac poubelle dans le conteneur de mon immeuble, j'ai été attirée par une couleur, une forme, bizarre, sur les bords de celui-ci. Je parle du conteneur. Je me suis approchée et là, horreur, une masse blanchâtre, informe, à la fois grouillante et visqueuse, m'est apparue. Des dizaines de petits vers agglutinés semblaient danser sur place. L'image de ce mouvement minuscule mais intense, dont l'émergence et la destinée m'étaient inconnues, me hante encore. Pour tout dire, je suis même descendue plusieurs fois dans le local poubelle juste pour voir. Pour voir quoi ? Je ne sais pas. Étais-je fascinée par ce qui semblait venir de nulle part, par ces gesticulations sans but, par cette forme déformée, ou simplement par ma propre répulsion ? Pourquoi la vermine, ce presque rien, a-t-elle ce pouvoir de tant nous bousculer ? Indy ! Je marche sur quelque chose ! Oui, il y a quelque chose sur le sol. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. C'est sûrement pas des gâteaux secs. Attends. Des gâteaux, ça. Willy ! Je parie que je vais encore me cochonner. Ah ! Willy, dépêche ! J'en ai plein les poches ! Ah, c'est cette couplette, Willy ! J'en ai plein les poches ! Bouclez-la ! Si, laissez-moi entrer vite, ils vont me dévorer ! Oh, c'est gluant et ça grouille ! C'est bon, là, c'est trop... Bonjour Anne-Simon. Bonjour Géraldine Moine à Savoie. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre République des Savoirs à l'École Normale Supérieure, où vous animez le pôle Proust et le carnet de zoopoétiques animaux dédié aux études animales littéraires et à la recherche sur le vivant dans les arts. On vous doit le livre « Une bête entre les lignes », essai de zoopoétique aux éditions Wall Project, dans la collection Tête Nue, c'est paru cette année. Alors on vient d'entendre un extrait du film de Steven Spielberg, sorti en 1984, Indiana Jones et le Temple maudit, je vous ai vu prendre des notes. Est-ce que comme moi, vous avez souligné, noté ces notes, ça grouille, ça remue ? Oui, je pense qu'on peut commencer par ça, c'est-à-dire effectivement la vermine, c'est peut-être avant tout une forme de mouvement et d'animation qui n'est pas la même que la nôtre. Il y a l'idée du grouillement, c'est-à-dire d'un singulier pluriel, la vermine. Mot étrange hein, qui vient dire l'informe, ce qui n'est pas on va dire casable dans des catégories auxquelles on est habitué. Et ce qui était intéressant là dans l'extrait, c'était que tous les sens étaient convoqués. Ça pue, le bruitage évidemment strident et craquant, le gluant, donc le toucher, la peur d'être dévoré évidemment, et la vermine, c'est peut-être avant tout ça, c'est du parasite. Vous avez bien noté, Anne-Simon, qu'effectivement, qu'il y a ce terme de vermine. Quelle définition on peut donner à ce terme, sachant qu'effectivement, on sent déjà une forme de multiplicité, une diversité ? Oui. Alors, vermine vient de vermina en latin, hein, donc ça nous ramène vers le vermen qui nous a donné le ver. Et ce pluriel a d'emblée été conçu comme un pluriel pathologique, c'est-à-dire que c'est pas simplement des parasites qui viendraient envahir notre corps, mais des parasites qui rendent malades. On disait d'une vermina aussi que c'était une maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vermine, elle a été catégorisée de façon complètement différente selon les époques, selon les aires culturelles. Si on remonte par exemple à la Bible et au fléau des grenouilles, des mouches, des poux, etc., on a donc l'idée que c'est un fléau, et en même temps la racine qui dit la vermine en hébreu est peut-être aussi quelque chose de positif. C'est ce qui dit la germination, le pullulement, multipliez-vous, etc. Et donc il y a cette idée que il y a peut-être une puissance positive dans la multitude. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que dans tous les textes qu'on va écouter, ça va être une émission plutôt littéraire avec vous, Anne Simon, dans tous les textes qu'on va écouter, la vermine est rarement réhabilitée, c'est-à-dire qu'on va peut-être réhabiliter sa laideur, mais il va presque avoir un plaisir en fait du lait ou du dégoûtant. Mais cette idée quand même de germination, de cette dimension positive, elle apparaît quand même assez rarement, il faut le dire, quand on parle de vermine en littérature. Ça dépend en fait. Comment on peut catégoriser justement cette vermine, quels axes, comment elle apparaît à gros traits dans la littérature? Dans la littérature. Alors moi je dis toujours la littérature c'est des livres, hein, et des livres singuliers, et en plus à des époques différentes ce qui est intéressant, le premier axe évidemment c'est celui de la répulsion, de la décomposition, de ce qui vient s'immiscer. Du sale qui vient s'immiscer dans le propre, dans le catégorisé, dans un ordre social hiérarchisé. Mais voyez que je suis arrivée déjà, je suis passée d'emblée du corps biologique au corps politique. Et la vermine, c'est aussi la vermine sociale, la racaille, etc. Et puis, il y a quand même assez vite l'idée que il y a dans la vermine quelque chose à voir qui serait scellé, secret, et qu'on pourrait peut-être découvrir. Donc c'est aussi tout ce qui est de l'ordre du souterrain, donc du souterrain qui fait peur, mais aussi du souterrain qui recèle des trésors. Et en ça, il faut aussi revenir sur cette dimension de la vermine, au-delà de la multiplicité, de la répulsion ou du rejet qu'elle peut provoquer, et du lien avec la politique qu'elle trace, c'est effectivement qu'elle est de l'ordre du tout petit, du minuscule. Elle est grouillante, elle bouge sans cesse, mais elle est aussi toute petite, elle est presque insaisissable. C'est aussi pour ça peut-être qu'elle est fascinante pour les écrivains. Oui, c'est vraiment une gageure pour la littérature. Comment, avec le langage humain, parvenir à dire une altérité radicale, une altérité qui est tellement exote, tellement différente et étrangère à la nôtre, croit-on, que le langage va devoir, j'allais dire, s'adapter à ce mouvement. Hein. Ce qui caractérise la vermine aussi dans son étymologie, dans sa définition, c'est l'idée de mouvement désordonné. Et vous avez parlé tout à l'heure d'entrée de jeu, je dirais, de l'informe, mais aussi de la gesticulation qui fait peur. Donc cette vermine, c'est la génération spontanée. On a cru pendant très très longtemps, je dirais jusqu'au 19e siècle quasiment, que la vermine naissait d'elle-même. Donc il y avait un auto-engendrement qui était à la fois magique et épouvantable. Et donc dans ce grouillement, il y a pour le langage un défi qu'il faut relever. Il va falloir trouver non seulement des nouveaux mots pour la décrire, mais aussi sans doute une syntaxe, un phrasé, des façons de disposer les mots aussi sur la page qui vont pouvoir peut-être nous emmener dans le mouvement de la vermine. Alors, un des rares auteurs, on va tout de suite entendre un texte, Anne Simon, qui a parlé de manière positive de la vermine, c'est Jules Michelet, et c'est Dans l'insecte, texte qui date de 1858. Arrière-monde, caché sous le monde actuel et supérieur, dans les profondeurs de la vie et dans l'obscurité du temps, que de choses il aurait à dire si Dieu lui donnait la parole, lui permettait de rappeler tout ce qu'il fit ou fait pour nous. Les plantes élémentaires, les animalcules ébauchés qui, de leur poussière, nous ont fabriqué la féconde écorce du globe, ce beau théâtre de la vie. Quelle juste réclamation il pourrait nous adresser. Nous, diraient les imperceptibles, les animalcules obscurs, innommés, que l'homme méprise ou ignore, nous sommes tes nourriciers, nous sommes les préparateurs de tes cultures, de tes demeures. Ce ne sont pas les grands fossiles, rhinocéros ou mastodontes, qui ont fait ce sol de leurs eaux. Il est nôtre, ou plutôt nous-mêmes. Tes cités, tes louvres, tes capitoles se sont bâtis de nos débris. la vie même, en sa haute fleur, dans ce pétillant breuvage où la France distribue la joie à toute la terre. D'où vient-elle? Des collines arides, où la vigne croît de la blanche poussière qui fut nous et qui retrouve la chaleur cachée de nos existences antérieures. Longue serait la réclamation. La restitution, impossible. Ces myriades de morts, ayant alimenté de leur calcaire ce qui fait notre nourriture, ont passé dans notre substance. Dans le royaume invisible qui brille sous le soleil, toutes les bêtes nuisibles un matin tenaient conseil. Ce n'était qu'un cri d'alarme, car la mouche criait très fort qu'elle connaissait une arme, le cobra qui voulait leur mort. Et comme la mouche l'avait dit au moustique, vite le moustique l'avait dit au cafard. Et le cafard, en semant la panique, à la punaise l'avait dit sans retard. La punaise sans pu le dire à la mythe. La mythe le dit en douce au cancre là. Et c'est ainsi qu'on je ne sais pas, Anne-Simon, si vous connaissiez cette chanson de Alibert au royaume des insectes. Je l'ai découverte ce matin grâce à notre réalisateur Nicolas Berger. On entend ce royaume des insectes qui fait écho peut-être au royaume décrit par Jules Michelet dans L'Insecte, ce texte de 1858 interprété par Hélène Losseur. Non, je connaissais pas la chanson, alors donc ça me plaît évidemment beaucoup. Dans le texte de Michelet, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on remonte la vermine, les petits animalcules, l'infra-animalité, qu'on croit qui est inférieure en taille, mais aussi qu'on pense inférieure en valeur à l'humain, se découvre à l'aube de l'aube du temps comme l'origine non seulement du globe, le socle de la Terre, l'os, comme le dit Michelet, ce qui est intéressant, puisque l'os et le sol, ce sont les mêmes lettres, c'est une sorte de palindrome. Et il y a l'idée donc que la Terre est constituée par les animalcules, mais aussi notre culture. Tes Louvres, tes Capitoles ont été construits à partir des débris nous-mêmes, à partir des déchets de nos corps. Et ce qui est fascinant, évidemment, pour une littéraire, c'est l'idée que la culture s'adosse en quelque sorte à la multitude des insectes, de la vermine, etc. Et donc ces ébauches d'animaux, ces animaux qui n'en sont quasiment pas encore, finalement viennent créer dans nos synapses, dans nos cerveaux, des lignes qui permettront ensuite de créer la belle géométrie de tous nos monuments. Mais finalement, Jules Michelet est presque à une position peut-être un peu rare, non, dans cette littérature de la vermine, parce que c'est quand même assez original de renverser à ce point-là la hiérarchie, c'est-à-dire vraiment la vermine, c'est ce qui est souterrain, ce qui grouille, ce qui nous dépasse, et là, il élève la vermine et il en fait toujours un souterrain. Vous avez employé ce terme de s'adosser, Anne-Simon, mais c'est plus en termes de fondation. Là. C'est-à-dire que vraiment, il élève la vermine au rang de fondation. Oui, complètement. Il y a un renversement de l'échelle, alors que certains avaient opéré, notamment avec la naissance du microscope à la fin du XVIe siècle. Et puis ensuite, ce microscope, ces lunettes à mouches, comme on disait, sont développées et améliorées. Et cet objet technique, parce qu'on ne peut pas penser la littérature, le monde des idées, sans penser évidemment à l'histoire des sciences et à l'histoire des techniques, cet objet-là a, comme le dit Michelet dans L'Insecte, créé pour l'humain un sixième sens. Et donc, voilà, cette espèce d'exosquelette de l'humain, de prothèse oculaire, nous ouvre le monde sur l'infiniment petit. Et on était jusqu'à présent, nous dit Michelet, obsédé par le télescope, par le cosmos, par les étoiles. Mais Michelet nous dit, on peut se retourner au contraire vers la Terre. Il y a vraiment un mouvement de retour vers le terrestre pour créer une sorte de religion de la Terre qui ne soit pas une religion aérienne, mais une religion en quelque sorte, qui prend racine dans le globe. C'est presque la terre-mère qui est nourricière, finalement. C'est-à-dire qu'on va se nourrir de ce qui, a priori, est peut-être dégoûtant. Ça aussi, il faut quand même insister là-dessus. C'est-à-dire que la vermine, on l'a dit, c'est vraiment ce qui nous répugne, qu'on rejette. Et finalement, là, on l'incorpore. Et même sans elle, on ne pourrait pas être ce qu'on est. Exactement. Michelet le dit d'ailleurs aussi. Hein. Nous sommes constitués de vermine et nous on le sait très bien aujourd'hui. On est plein de germes. On est plein de germes. On est plein d'acariens. On a parfois des poux, etc. Et d'ailleurs les gens qui ont été, on en parlera, mais les gens qui ont été transformés en vermine ont souvent de la vermine sur eux, des morpions, etc. Il y a un devenir vermine des gens qui sont socialement déclassés qui est important. Donc, en tout cas, comment vous dire, la vermine joue un rôle très important dans les arts. Très tôt, on voit sur des tableaux, je pense au maître de Francfort, qui se représente en autoportrait avec sa femme, et il y a deux petites mouches qui sont placées sur une assiette qui est devant eux, et sur la cornette blanche, anversoise, de cette femme très propre. Et il y a toujours donc l'idée que finalement, le devenir de l'humain, c'est la décomposition, c'est la grande réingestion, le retour dans le grand cycle de la vie. Et là, il y a, je dirais, tant que la littérature et tant que les arts sont chrétiens, il y a deux solutions. C'est soit repens-toi, tu es dans le péché, la nature humaine et notamment féminine est par essence une nature vermineuse, si je puis dire, hein, où on va voir des crapauds qui sortent des sexes des femmes, des serpents qui sortent de ses entrailles, y compris des hommes aussi. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis de l'autre côté, c'est le jouis de la vie, le carpe diem. Profite de ce moment sur Terre tant que tu n'es pas encore devenu cadavre pour aimer la vie. Mais chez Michelet, c'est pas simplement qu'il fait un retournement. Ce qu'il veut bien montrer, c'est qu'il y a une beauté intrinsèque de la vermine. Et il y a une comparaison qui est très intéressante. À un moment, il met sous le microscope la jolie main d'une femme, peut-être Athénaïs, voilà, la femme naturaliste avec laquelle il écrit l'insecte. Et une patte d'araignée. Et là, d'un coup, il découvre que la patte d'araignée, elle est faite d'écailles extraordinaires, fonctionnelles, beauté, et que la main de la femme est immonde. Et de même, il va soulever l'aile d'un hanneton, donc c'est le hanneton qui est la créature du souterrain, qui est en train de fabriquer sa vie avec la terre quasiment. Et quand on soulève la patte d'un hanneton, il y a un or magnifique qui est caché là. Et Michelet dit, c'est l'or divin de la Jérusalem céleste. Donc, vous voyez, c'est ce lien entre le souterrain et le divin. On va écouter aussi un autre grand poète connu pour avoir réhabilité aussi ce qui est de l'ordre de la vermine. C'est évidemment Charles Baudelaire avec son poème interprété par Georges Clès, La Charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant, et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc un extrait du poème de Charles Baudelaire, Une charogne et non pas la charogne, qui est assez proche finalement, Anne Simon, vous nous direz, du texte de Jules Michelet qu'on a entendu auparavant, en tout cas dans cette idée de vouloir presque réhabiliter la vermine. À ceci près, il me semble que chez Baudelaire, une charogne, même si c'est une charogne et pas la charogne, on a l'impression que cette charogne est individualisée et singularisée, alors que chez Michelet encore, dans le texte qu'on avait entendu, il y avait une forme d'anonymat, en fait. C'était la vermine, les débris en général. Alors que là, on est quand même plus proche de donner une forme de particularité, de singularité à la charogne. Alors, la charogne elle-même a une singularité dans ce texte, mais assez étrange, puisque sa singularité ne vient que du mouvement, on y retourne, que lui imprime ce qu'on appelait au Moyen-Âge, dans les bestiaires, ces vers de chair. Hein, il y a des vers d'air, il y a des vers de terre, il y a des vers de sang, des vers de... Et là, on est dans des vers de chair, c'est-à-dire que c'est la mort elle-même qui se transforme en vie. Et cette charogne n'est individualisée que parce que une multitude de larves passent leur temps à éclore et à créer voilà une sorte de poème à partir de la mort. Et ce qui compte évidemment, c'est le rythme qui enfle, qui monte, que voilà. Et finalement, il y a chez Baudelaire cette tentative très intéressante, par des rejets, par des enjambements, de donner à son poème la forme de la vie décomposée. Il va parler de ses amours décomposés à la fin du poème, auquel il dresse un tombeau, auquel il donne un poème. Voilà, et c'est ça qui peut être intéressant, ce retour finalement du vers, de terre, de chair, dans le vers de poème. On voit bien aussi, vous l'avez dit Anne Simon, cette idée que la vie en fait soit un mouvement de la mort. C'est-à-dire, c'est pas que la mort soit une partie de la vie ici, mais c'est vraiment que la vermine est particulièrement fertile sur un terrain de décomposition, que ce soit de l'ordre de la vieillesse, de la maladie ou même de la mort. Et ça, c'est une idée qui est assez frappante. C'est-à-dire, dans tous les textes sur la vermine, il y a quand même cette idée de vitalisme au-delà des limites du vivant. Oui, c'est un vitalisme positif, entre guillemets, parce que très souvent, justement, c'est ce que vous dites, il nous emmène vers la démesure, vers la démesure des vies, de la vie. C'est Michelet aussi qui parle de foyer, d'absorption, d'énergie, de feu. Il y a dans cette vermine une sorte d'intensité vitale, anonyme, qui est à la fois merveilleuse parce qu'elle inscrit la mort au sein de la vie, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'arrive plus du tout à supporter, sauf quand on le classe dans la catégorie, par exemple, du gore. Hein. Donc c'est comme si il fallait que la décomposition et le cadavre, qui est tellement tellement scellé aujourd'hui, que ce soit les cadavres des animaux, les corps morts de nos proches à l'hôpital, à la morgue, qu'on momifie, qu'on embaume. Donc on est très étonné de lire ce poème aussi parce que il y a une différence sociale. Et là, on voit bien, on était en 1858 avec Michelet, 1857 avec Les Fleurs du Mal. On n'est plus du tout habitué à voir des asticots un petit peu partout. Mais quand on se promène au 19e siècle, c'est le grand siècle où on va commencer à mettre les tanneries, à mettre les abattoirs en dehors de la ville. Et quand on se promène dans les campagnes encore très très longtemps au 20e siècle, avant le grand exode rural mortifère, eh bien il y avait des animaux partout. Et qui dit animaux, dit petites bêtes, insectes, moucherons, pucerons, etc. Donc on a le même rapport à la vermine que celui qu'on a en fait aux déchets, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont constitutifs de nos vies, de nos êtres, de nos corps, de nos rues, de nos maisons, ils sont dans nos matelas, dans nos cheveux, et pourtant on ne supporte pas de les voir, on ne supporte pas en fait qu'ils soient des objets, c'est-à-dire qu'ils soient posés devant nous et qu'on puisse les considérer. Oui, on ne les considère que pour l'éradication. Et donc, on va avoir pas mal de romans contemporains qui vont revenir sur cette idée que la vermine serait par définition ce qui vient parasiter le propre et le sale, le souterrain et la surface, et qui vont essayer de nous montrer que ces êtres qui sont des êtres liminaux, qui vivent sur les limens, sur les seuils, font partie intégrante de nos vies et de nos villes. Je pense notamment par exemple à un livre de Jim Crace qui s'appelle Being Dead, où il retrace la vie d'un couple et la mort d'un couple qui est assassiné par une sorte de vagabond pour leur voler leurs affaires. Et pendant 6 jours, en gros, ces deux corps vont se décomposer et il va y avoir plein de chapitres où finalement on nous raconte la façon dont cette décomposition qui devient donc un sujet littéraire. Mais ça peut pas être un sujet littéraire à part entière puisque il y a d'autres chapitres qui parlent aussi des humains vivants. Est-ce qu'il faut rendre hommage alors à Charles Baudelaire de parler juste de cet état de décomposition, ou finalement est-ce qu'on peut aussi objecter à Baudelaire le fait que il essaye à tout prix de rendre belle cette charogne? C'est-à-dire que l'idée quand même d'inverser les choses, hein, que ce soit du côté de Michelet, c'est-à-dire de rendre positif ce qui était jusque-là négatif, d'élever ce qui est souterrain, de la même manière, chez Baudelaire, on a ce mouvement qui consiste à élever ce qui est laid, ce qui est dégoûtant. Est-ce que c'est pas une manière aussi de se voiler la face sur la vermine? C'est-à-dire en fait de lui faire porter les atours qu'elle n'a pas, en fait, de la considérer par exemple comme une femme, de l'humaniser, alors qu'en fait, peut-être qu'il faudrait seulement verminiser la vermine et s'en tenir à ce qu'elle est, essayer de voir comment elle se comporte, quel langage inventer, plutôt qu'essayer de la déguiser. Alors c'est compliqué, parce que là encore, c'est quand même une histoire de regard porté sur le vivant et de perspective. Hein. Donc je pense pas qu'il y a une bonne manière ou une mauvaise manière de voir la vermine. Ce qui m'intéresse dans le texte de Baudelaire, c'est qu'on a effectivement affaire à une fleur du mal, hein, une fleur qui pousse sur une charogne qui n'est pas n'importe quelle charogne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que on a un poète pétrarchisant qui est en train de se balader avec une femme, et cette charogne, on ne nous dit à aucun moment est-ce que c'est un chat, un chien, un rat. Il y a une chienne qui veut manger la charogne, mais voilà, qui se tient en retrait quand le couple de l'homme et de la femme s'en approche. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être moins que la femme et que la vermine est humanisée, c'est plutôt la femme ici qui est verminisée. Et ça, c'est un mouvement de Baudelaire extrêmement typique de son époque, je dirais, pas seulement de lui-même, cette idée finalement que le corps féminin relève d'une hypernature, d'une surnature en quelque sorte, et qu'elle recèle notamment dans la sexualité dont on oublie aujourd'hui à quel point elle était liée aussi à la syphilis, hein, au 19e siècle, qui était la grande, grande peur des hommes du 19e, on ne parle pas de celle des femmes d'ailleurs. Et donc cette charogne, elle est éminemment féminine, hein, et finalement elle est le poème lui-même, hein, mais on se rend compte aussi que cette vermine qui pénètre le corps de la charogne femme, hein, ce ventre fétide, putride, etc., les jambes écartées, enfin vraiment c'est l'origine du monde version gore, eh bien le poète lui-même, hein, est peut-être la vermine, puisqu'il dit à la fin vous-même vous deviendrez comme ça, je vous peindrai. On est dans un mouvement typique aussi de Ronsard, quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle, quand vous serez toutes décrépite, ben c'est grâce à moi, Ronsard, que vous accepterez à la pérennité, à l'éternité. Hein. Donc c'est un texte daté, je dirais, de ce point de vue-là. Alors, mais on va écouter un extrait de film qui est beaucoup moins daté, puisque c'est un film de David Cronenberg. Seth, I'm here. Stop. Seth. Tu avais raison. Je suis malade. Ça évolue de plus en plus vite. C'est irrémédiable chaque jour. Il y a des changements. Chaque fois que je me regarde dans la glace, je vois un être différent, hideux, repoussant. Que s'est-il passé? Je n'étais pas pur. Le téléporteur te laisse ta pureté. Je n'étais pas pur. Une mouche est entrée dans le télépod transmetteur avec moi la première fois quand j'étais seul. L'ordinateur a été ennuyé. Il ne devait pas y avoir deux systèmes génétiques séparés, alors. Et il a décidé de nous fusionner tous les deux. Il nous a unis, moi et la mouche. Nous n'avions même pas été présentés avant. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, Seth. Tu es si belle. Oh, que va-t-il t'arriver? Oh, c'est en train de devenir une sorte de cancer, mais de forme bizarre. Quoi? C'est un chaos, une révolution cellulaire générale. Je vais être désintégré. D'une manière nouvelle, sans doute. Et alors je mourrai. Et ce sera fini. Oh! Oh, c'est dégoûtant. Mon oreille! Non! On entend bien tout l'étonnement, le dégoût hein, de ce personnage Seth Brundle, donc interprété par Jeff Goldblum dans le film de David Cronenberg hein, qui date de 1987, La Mouche. Donc ce personnage qui est transformé en mouche lors d'une transportation, enfin on l'a entendu hein, dans l'extrait, c'est-à-dire qu'il a tenté une expérience scientifique, une mouche est rentrée à ce moment-là et finalement son corps a fusionné avec celle de la mouche et on voit bien qu'il devient de plus en plus mouche, il y a un devenir vermine, comme vous le disiez Anne-Simon, qui finalement réalise le pire des fantasmes de l'homme, des êtres humains, qui est finalement de déchoir, de devenir littéralement un déchet en devenant de la vermine. Oui, et là on en tout à fait. Ce à quoi m'a fait penser cet extrait, c'est à quel point la vermine, l'insecte, la petite bestiole. C'est le modèle même de la métamorphose, plus que de l'hybridité. Là, on a affaire à une hybridité homme-mouche. Hein. Et on va y revenir, il y a beaucoup d'écrivains évidemment qui s'intéressent à ça. Mais l'insecte, c'est vraiment la larve qui crée une chrysalide. La chrysalide ensuite va devenir une nymphe, un imago, voilà. Et ça donnera le papillon, par exemple, ou le hanneton, etc. Et donc, il y a dans la vie même de la vermine une succession de métamorphoses qui, pour des êtres qui sont fondés comme nous sur l'ego, un système nerveux central, une conscience, des yeux frontaux, une stature debout, etc., il y a une telle diversité d'états du vivant qu'ils traversent en étant vivants, alors que nous, ça nous fascine évidemment complètement. Et dans cette hantise de l'hybridité, elle appartient à la littérature, notamment avec Kafka, hein, qui va dans la métamorphose. Dans la métamorphose, qu'il faudrait presque appeler la transformation, et ce serait plus juste. Je pense que ce serait plus juste parce que c'est Die Verwandlung, et on a un mot en allemand tiré du grec comme le nôtre, c'est dit métamorphose, qui est tout à fait voilà, qu'il aurait pu employer, mais ce n'est pas le terme qu'emploie Kafka pardon dans son récit. On a affaire à une transformation, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se demander qui est la proie de cette transformation dans la métamorphose de Kafka. Ça commence par le réveil, donc on est très souvent, vous voyez, à des lisières, c'est intéressant, ces livres où pour passer du monde réel au monde imaginaire, on passe par le lit. Par la chambre, le lit, le réveil ou l'endormissement. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui est déjà métamorphosé quand il se réveille. Hein. Grégor Samsa, Samsa qui ressemble à Kafka, c'est, là aussi on a un palindrome, c'est-à-dire que ça se prend dans les deux sens. Peut-être que le ver de terre est... Se prend aussi dans les deux sens. Oui, d'ailleurs. c'est ce que dit Georges Didi Huberman dans Phasme. Hein, le Phasme, c'est une sorte de bestiole qui n'a ni queue ni tête en quelque sorte. Ouais. Donc vous voyez, c'est les catégories qu'on a même de la spatialité et de la géométrie de ce que pourrait être un corps explose. Et dans la métamorphose de Kafka, donc il n'y a pas du tout, justement, et ça va vous plaire, il n'y a pas d'enjolivement de la vermine. Au contraire, c'est l'histoire d'une lente dégradation de cette Ungeziefer. C'est Ungeziefer, c'est un cloporte, c'est toutes sortes de parasites en allemand. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est un cafard ou un cloporte ou autre chose. C'est une vermine. Et il va recevoir le père va lui envoyer une pomme sur sa carapace, la pomme va pourrir, une pomme biblique qui va pourrir à l'intérieur même du corps de Gregor Samsa. Il va finir par crever de tout ça. Donc voilà, l'immonde, certains se sont coltinés cette représentation-là. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que la métamorphose, c'est pas l'histoire de la métamorphose de Gregor Samsa, c'est l'histoire de la métamorphose notamment de sa sœur. Puisque quand Gregor Samsa Lungesiver meurt, eh bien, à la fin, sa jeune sœur s'épanouit et ça se termine comme ça. Elle étire son jeune corps et ça y est, elle est arrivée à maturité. Ce qui est intéressant quand on fait ce rapprochement entre Kafka et ce film de David Cronenberg, c'est qu'on a dans les deux cas ces personnages principaux transformés en insectes, hybridés avec des insectes, qui deviennent presque des hors-sujets. C'est-à-dire qu'ils sont le sujet d'un livre qui n'a pas de sujet, puisque précisément, ils sont rejetés du côté de l'anonymat, du minuscule, de la gestication, et effectivement, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'expression. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que on rejoint ce défi à la littérature dont on parlait tout à l'heure. Comment évoquer ce singulier pluriel qui en plus se meut à une vitesse déconcertante, comment rejoindre cela? Les écrivains eux-mêmes ont souvent rêvé d'avoir des yeux à facettes, comme dirait Éric Chevillard ou Marie Darrieussecq. Et pour finalement arriver à la saisir, il y a deux manières. Soit on reste dans le collectif et on essaye de rendre compte d'un mouvement collectif dans les textes. C'est ce que fait par exemple Henrietta Rosines dans Ninive. Mais il y a un moment où il y a une limite finalement à cette esthétique du fléau finalement. Et ce qui va très vite intervenir pour pouvoir saisir la vermine, c'est le gros plan en littérature. Alors chez Henrietta Rosines dans Ninive, donc, il y a une autrice sud-africaine et qui donc raconte dans ce roman Ninive l'histoire d'une femme qui décide de créer une entreprise, en fait, non pas d'éradication de la vermine, mais de délocalisation de la vermine, comme si on pouvait mettre vraiment une distance très claire, une frontière, une limite entre ce qui est de l'ordre de la vermine et ce qui est de l'ordre de l'humain. Tout à fait, hein. On a une héroïne entre guillemets, Katia, qui est contactée par un entrepreneur qui veut créer une ville parfaite, la ville biblique de Ninive, pleine de remparts, purement humaine, surtout avec des gros murs, des grosses frontières, et donc il veut créer une ville de luxe à côté du Cap. Et il commence à construire cette ville qui s'appelle Ninive, une ville toute blanche, magnifique, sur des marais. Et évidemment, ça va être la lente dégradation de cette ville par une contamination et une invasion, d'une part par des gogas, hein, des sortes de coléoptères, sur lesquels il va y avoir un gros plan et dont on va se rendre compte qu'en fait, ils sont magnifiques. Voilà. Et d'autre part, par un autre type de vermine, qui est la vermine des marais, la vermine humaine, qui va en permanence détruire cette ville, tout simplement, en s'en servant et en vivant dans ses interstices. Et ce gros plan, on va le retrouver aussi, par exemple, parce que la mouche a fasciné nombre d'écrivains, on la retrouve dans Écrire de Marguerite Duras, où elle assiste à l'agonie d'une mouche, et elle dit, il faut intégrer dans la littérature cet espace-temps tellement différent d'une autre qu'on n'arrive même pas à se le représenter. Et elle nous décrit l'agonie d'une mouche pendant 7-8 minutes, et pendant un certain nombre de pages. Et Marguerite Duras dit, cette agonie-là induit et oblige à un déplacement de la littérature. Et donc ça, c'est très intéressant, quand on est obligé, pour un écrivain, de déplacer ses curseurs, de transformer ses pattes de mouche, peut-être, en des pattes qui vont pouvoir rendre compte de ce pullulement. Vous avez parlé, Anne Simon, de Ninive, hein, ce roman de Henrietta Rose Innes. Il faut qu'on écoute, et dans un tout autre genre, une archive de 2005 qui reposait sur le même fantasme de nettoyer la vermine des villes. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Le terme « nettoyer » au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Le mot pour nettoyer, les gens, et alors On nettoie pas des gens. C'était donc Nicolas Sarkozy en 2005, le 19 juin 2005, à la Cité des 4000 à La Courneuve. Cette phrase, vous vous souvenez, Anne Simon, alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait fait beaucoup, beaucoup parler. Il avait employé cette expression de nettoyer la cité au Karcher, nettoyer la racaille. Ce qui finalement nous amène vers cette vermine politique aussi, qui n'est pas seulement la peur d'infecter notre corps physiologique ou psychique, mais aussi la peur que la vermine infecte le corps politique et social, ce qui relève en fait sur un fantasme. C'est-à-dire que pourquoi il faudrait absolument construire une frontière très claire? Il faudrait à la fois faire un double mouvement, déjà repenser cette idée de frontière, mais aussi peut-être considérer autrement la vermine, se demander pourquoi on désigne une certaine partie de la population sous ce terme-là. Oui, alors c'est évidemment que pour se débarrasser d'humains encombrants, la meilleure façon, c'est de les animaliser, et de les animaliser par des animaux dont on ne veut pas. Voilà. Le fantasme d'une propreté urbaine, d'une étanchéité des catégories sociales, évidemment, elle explose à partir du moment où c'est la vermine qui entre en jeu, puisqu'elle va toujours parvenir, cette vermine animale ou humaine, à se réintroduire, à se faufiler. C'est ce que dit d'ailleurs la romancière Henrietta Rosines dans Ninive. Elle se rend compte au bout d'un moment qu'on peut pas délocaliser les nuisibles, entre guillemets, hein, et que il faut apprendre tout simplement à avoir des villes souples, à avoir des villes interstitielles, à avoir des villes où peut-être aussi on ne ghettoïse pas ceux dont il est facile de dire après qu'ils sont de la vermine. Oui, effectivement, donc il y a ce fantasme du propre, de se dire la vermine ne devrait pas exister. En fait, on devrait avoir un monde sans vermine. Mais ce qui présuppose quand même de transformer notre représentation, mais aussi notre savoir, d'une certaine manière, sur la vermine. D'en penser autre chose qu'une sorte de parasite, qu'un mouvement parasite. Il y a ça aussi qu'il faut peut-être réhabiliter. Oui, je pense que l'idée du nettoyage, qui est d'une immense violence, un nettoyage ethnique, éradication, extermination, voilà, toutes ces solutions finales, on sait ce qu'elles ont donné. Hein. Et dans l'idée, ce qui est intéressant, c'est que les manières dont on qualifie les êtres, et là c'était de la part de Sarkozy, c'était d'une violence inouïe, on a vu à quel point ces gens refusent d'être nettoyer et considérer comme des animaux, même si les animaux eux-mêmes, il faudrait à un moment se dire comment est-ce qu'on peut arriver à vivre avec eux dans nos villes, sans se cacher que c'est très difficile parfois. Sans les ramener à une forme de bestialité, justement. Voilà, voilà. Et la vermine humaine, c'est un très grand sujet en littérature. Dans la littérature concentrationnaire, on va la retrouver tout le temps, que ce soit la littérature, par exemple, du Goulag, que ce soit le génocide au Rwanda, où les Tutsis étaient comparés à des cafards, que ce soit évidemment pour les Juifs, le fait qu'ils étaient comparés à de la vermine et qu'ils ont été exterminés par un pesticide, à savoir le zyklon B. Et donc, je pense que ce genre de rhétorique politique, surtout en ce moment, ça fait drôle de réentendre Sarkozy parce que on a l'impression qu'il est très contemporain dans ce qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux et ça nous montre à quel point les mots qui sont portés par le politique sont importants. La littérature vient toujours dire ça. Elle vient dire que le symbolique et la syntaxe qu'on emploie, on construit des villes et on construit des politiques collectives avec ces mots-là. Au moment du virus, cette vermine actuelle, quand Macron a dit qu'il fallait déclarer la guerre au virus, c'était une erreur majeure de qualification. Voilà. On n'est pas en guerre avec un virus. On doit le traiter de façon sanitaire, sociale, médicale, etc. Et donc voilà, c'est important de se souvenir que les mots qui viennent dire et caractériser notre relation à l'infime et à l'infâme, hein, parce que ça va ensemble, eh bien, sont des mots qui peuvent mener à des politiques délétères. C'est le moment d'y aller. Dans 90 secondes, vous entendrez une sonnerie. Revenez immédiatement. Laissez vos pelles dans la bassine et suivez le couloir pour vous faire décontaminer. À vos marques, prêts, partez. Connu Vassili Ignatenko? Non. C'était un pompier. Il est décédé 2 semaines après l'accident. Je suis restée en contact avec sa veuve. Elle a donné naissance à une fille qui a vécu 4 heures. Les radiations que sa mère a reçues l'auraient tuée, mais le fœtus a tout pris à sa place. Son bébé. Nous vivons dans un pays où les enfants meurent pour sauver leur mère. Alors tant pis pour notre vie. Il faut commencer à dire la vérité. J'ai vu un homme dont on enterrait la maison devant ses yeux. On enterrait des maisons, des puits, des arbres. On enterrait la terre. On la découpait. On en enroulait des couches. Rien d'héroïque. Nous enterrions la forêt. Nous scions les arbres par tronçons d'un mètre et demi, les entourions de plastique et les balancions dans une énorme fosse. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Dès que je fermais les yeux, quelque chose de noir bougeait et tournait, comme si la matière était vivante. Des couches de terre vivantes, avec des insectes, des scarabées, des araignées, des vers. Je ne savais rien sur eux. Je ne savais même pas le nom des espèces. Ce n'étaient que des insectes, des fourmis, mais ils étaient grands et petits, jaunes et noirs, multicolores. Un poète a dit que les animaux constituaient un peuple à part. Je les tuais par dizaines, centaines, milliers, sans savoir même le nom de leurs espèces. Je détruisais leurs antres, leurs secrets, et les enterrais. Nous enterrions la terre dans la terre, avec les scarabées, les araignées, les larves, avec ce peuple différent, avec ce monde. Voilà la plus forte impression que j'ai gardée, ce petit peuple. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Svetlana Alexievitch, un extrait de la supplication de Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, un texte de 1997 interprété par Hélène Losseur. Ce texte a directement inspiré, on l'a entendu juste avant, cette série Tchernobyl, cette mini-série de Craig Mazin qui est sortie en 2019 chez HBO. Alors on a entendu là, ce texte est vraiment magnifique, Anne-Simon, il faut le dire, parce que on a cette idée quand même de la Terre qui est tournée et retourner, que la Terre faite de vermine a elle-même été touchée par la catastrophe de Tchernobyl, ce qui fait que là, il n'y a même pas une identification entre la vermine et un corps physiologique ou politique et social. Là, il y a une mise au même niveau. Tout le monde est à égalité face à la catastrophe. Oui, mise au même niveau, et en même temps, effectivement, on peut se dire, mais comment ça se fait que dans ce récit polyphonique qui est la supplication, puisque Svetlana Alexievitch écoute des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes lui raconter leur vie au moment et après Tchernobyl, et qu'elle en sélectionne quelques-uns pour créer une sorte de chœur. D'ailleurs, parfois, elle met même des pensées d'elle-même, hein, qu'elle attribue à d'autres, hein, donc il y a vraiment une reconstruction. Comment ça se fait-il que finalement on soit aussi troublé par le fait qu'on nous parle d'insectes et pas là de corps morts, d'enfants difformes, nés avant terme, d'hommes et de femmes dont les organes s'extériorisent. Enfin, il y a une très très grande invention de la manière de mourir avec Tchernobyl. Je pense que ce qui nous perturbe, c'est le fait qu'on enterre la terre dans la terre. C'est-à-dire que on a une terre vivante, une terre qui recélait la beauté, le mouvement, la vie, et qu'il faut la retourner. Et donc là, on est vraiment dans la thématique de l'apocalypse, hein, de la révolution, de l'apocalypse, c'est ce qui se retourne et ce qui se dévoile en même temps. Et ce qui se dévoile, c'est que la mort vient même atteindre ce qui d'habitude nous sert à une forme de résurrection qui est celle de l'humus, qui est celle de la germination. Qui semble toujours préservée, toujours cachée. Voilà, et là, elle n'est absolument... Voilà, là, même le souterrain, même le socle de la Terre est atteint. Et ça, où est-ce que ça se passe? Ça se passe pas simplement à Tchernobyl. Ça se passe au fond de nos âmes. Ça se passe dans un rêve. Hein, le liquidateur, Arkady Filil, dit qu'il a un rêve... et que ça revient tout le temps, cet enfouissement permanent dans la fosse commune de la radioactivité. Et je pense que c'est très fondamental de se rendre compte que la vermine nous touche à un niveau archaïque, en quelque sorte. Ce qui est aussi très troublant, c'est que cet homme nous dit qu'il ne connaît pas le nom des espèces qu'il tue. Et c'est ça, autant que le fait qu'il tue la vie, qu'il le bouleverse. C'est Éric Chevillard qui, dans Saint-Laurent-Houtan, nous dit quand il n'y aura plus d'Orang-Houtan, on n'aura plus cette lenteur, on n'aura plus accès à cet autre univers. Et bien là, avec cet homme nous dit « Je tue des animaux dont j'ignorais l'existence et dont j'ignore le nom et qui ne pourront plus m'ouvrir aucun monde. » Et on voit bien, il y a une dimension très religieuse hein, dans la supplication. C'est la prière de Tchernobyl qui est le titre original. On revient à la Genèse, au tout début où Adam nomme les animaux. Et là, c'est comme si la terre était tuée et les humains avec, avant même qu'Adam ait eu le temps de nommer les animaux. Et donc, il y a une boucle qui se fait avec ce par quoi on a commencé, qui est que la vermine nous emmène dans les temps d'avant les temps. Et là, on est ramené au temps d'avant les temps, mais à la fin des mondes. Anne Simon, on doit se quitter sur ces paroles. On devait parler des autoportraits d'écrivains en vermine. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. Avec Proust un jour. Avec Proust, avec plaisir. De vous, on peut lire Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique. C'est aux éditions Wall Project, collection Tête Nue. Vous avez aussi co-dirigé plusieurs revues, dont Zoopoétique. C'est aux éditions Revue des sciences humaines. Face aux bêtes, aux éditions L'Esprit créateur. Et enfin, je cite aussi La rumeur des distances traversées. C'est aux éditions classiques Garnier et c'est sur Proust qui porte notamment justement sur l'animalité dans À la recherche du temps perdu. Merci beaucoup Anne Simon. Merci Géraldine Masnasavoy. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote. Y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote. No pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Faut-il opposer l'homme du jour et l'homme de la nuit ?